Au Jeux du Québec qui se déroule actuellement hier, la région a réussi à remporter une autre médaille, une quatrième médaille hier. C'était du côté du Taekwondo. À noter que c'est Michael Bouffard de Roberval qui a remporté cette médaille chez les moins de 47 kilos. Dans la même discipline, Rose Bonneau, elle s'est qualifiée pour la demi-finale, mais elle a malheureusement perdu. La belle nouvelle hier, c'est que le Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est qualifié pour la grande finale des Jeux du Québec. Hier, la formation de Arnaud Dubé l'a emporté 2-1 en tir de barrage contre la formation des Laurentides. Donc, ils vont affronter la formation Sud-Ouest qui, eux, ont battu la Capitale-Nationale 3-2 en prolongation. Ça aura lieu ce matin et ça sera diffusé sur les ondes de RDS. Jusqu'à maintenant, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a 4 médailles, soit une médaille d'or, 2 médailles d'argent, une médaille de bronze pour 4 médailles. Donc, si vous voulez en savoir davantage, écoutez le reportage d'Alexandra Larouche dans la section Entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec le promoteur qui tente d'emmener du deck hockey à Dolbeau-Missisney pour la saison 2019. Il s'agit d'Éric Simard qui est de Saint-Nazaire. En entrevue sur les ondes de danradiosport.com, il a parlé de ce projet-là. Et selon lui, c'est un projet qui est actuellement à l'étude. On a sondé l'intérêt de la population et voici ce qu'il avait à dire. On peut dire que les chances sont quand même de notre côté. On a un bon feeling présentement. Okay. Là, présentement, ce qu'on veut, c'est sonder l'intérêt des gens. Okay. Sans aucune promesse. Ce qu'il faut savoir, c'est si elle fait beau, il y a un marché de deck hockey. Mm. Puis on commence avec ça. Là, on prend des noms. Moi, j'ai beaucoup de connaissances de joueurs de deck dans ce coin-là. Je veux savoir s'ils sont intéressés sur des équipes. Ça reste que c'est un petit marché, comme on a ouvert dans le secteur Alma avec Saint-Nazaire et Iberville. C'est que ça nous a donné deux places de jeu pour combler ce secteur d'environ 35 000 habitants. Okay. C'est que là, on est d'un bassin un peu plus petit, dans genre 25 000 habitants, mais présentement, ce qu'on veut, c'est sonder, voir s'il y a de l'intérêt à très court terme. Simon estime que 200 joueurs de deck hockey à Dolbeau-Missisney. Dans un deuxième temps, il mentionne qu'il la réponse est excellente jusqu'à maintenant. La réponse est très forte. Puis dans le monde d'aujourd'hui, là, c'est important de faire bouger les gens. Ouais. C'est vraiment ce que je veux dire. On est tous sur nos GameCube et nos téléphones intelligents. Le but, moi, ce que je veux, c'est du sport, puis faire bouger des jeunes de 4 ans aller jusqu'à 100 ans, là, si sont capables. Mais il n'y a pas de limite. C'est du hockey mal organisé, que c'est la tendance présentement au Québec. OK. C'est le sport de l'heure. Est-ce que... Et dans un dernier temps, il mentionne qu'il a eu quelques discussions avec les autorités de la ville. Moi, j'avais de l'intérêt pour ce marché-là depuis environ 2 ans. OK. Mais j'avais pas vraiment des éléments pour m'y rendre. Et là, j'ai claqué à la bonne porte, puis j'ai parlé à des gens qui sont au courant du dossier, qu'eux aussi étaient intéressés à s'impliquer dans ce dossier-là. Ça fait que là, on a eu quelques réunions, puis ça avance, mais on... Maintenant, parlons du côté des Aigles d'Orbeval. Ils étaient en action au cours du week-end. D'abord, au niveau du juvénile Benjamin Division 1, les Aigles étaient en action hier et ils ont gagné 8-6 contre l'école secondaire de l'Odyssée Dominique Racine, ça c'est dans le secteur de Chicoutimi. Ils ont annulé 2-2 contre la formation de Pointe-Lévis. On parle évidemment du côté du cadet Division 2 et dans un match maintenant du côté de la juvénile Division 2, les Aigles de Roberval étaient en action et ils ont gagné 3-2 contre l'école secondaire Pointe-Lévis. Et je termine avec de la course à pied. Il y avait une compétition de course à pied au cours du week-end. Ça se déroulait du côté d'Héberville Station. À noter que Sylvie Lavoie, au 10 km chez les filles, a terminé au deuxième rang. Elle est de Saint-Augustin. Elle a pris avec un temps de 44 minutes 11 secondes. Au 5 km masculin, Claude Gilbert du Club du Mille a terminé avec un temps de 16 minutes 55 secondes. au 3 km masculin, Xavier Larouche de Roberval, première position avec un temps de 13 minutes 5 secondes. Joey Pronovo, deuxième place de Dolboom Sassini avec un temps de 13 minutes 33 secondes. Au 3 km, à noter que Sacha Duchesneau a terminé au premier rang avec un temps de 13 minutes 25 secondes. Et également au 1 km féminin, première place pour Danae Gauthier. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Yannick Jean des Saguenayens de Chicoutimi. Je me suis également entretenu aussi avec Éric Simard qui tente d'amener du deck hockey à Dolboom-Sassigny pour la prochaine année. Et Luc Brodeur-Jourdain des Alouettes de Montréal vient nous parler de sa signature de contrat. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.